posé dans la loc, pété toute la noche. Jack Miel dans le coca, j'pense aux frères à l'ombre. Franja, c'est pas la peine, j'te regarde, j'ai la haine. Tu trahis, tu me dis pardon, on connaît tous la scène. J'patrouille toute la nuit, j'esquive les giros. Me dis pas que t'es mon ami, si tu me fais comme Tiro. J'repris le game comme Gennaro, j'fais tout baiser, tu vois le scénario. J'suis parti d'en bas pour finir là-haut. L'écoute, tout mon parano, et ça prépare des commandos. Tous calibrés sous le manteau, tu fais que parler dans. Tu es bizarre, je sais pas si t'es un traître ou pas. Je connais ton frère, pour ça je t'insulte pas. Le temps passe, tout le monde veut être en place. Évite les tasses, car c'est vite qu'on te remplace. Oh là là, oh là là là là. Oh là là, oh là là là. Et on a mis, on a pas trop le time. Arrête de battre, serre le ball en time. Je trouve aussi au beat depuis longtemps. Donc laisse-moi dans mon web, mais tout je veux pas en time. Non, j'ai perdu l'appétit, j'ai pas perdu mon talent. On revient dans le game, coup de talon. Avec tout loin et bientôt l'album. Faut te critiquer, tu vas avaler ta langue. J'suis sous votre cas. J'baroute, impression qu'être Ménix sur ma roue. A chaque pas que j'fais, j'tends que ça m'aïen. Ils veulent me stopper sur ma route. Mais dis-moi, tu veux quoi faire, j'ai l'oreille qui siffle. Que tu penses sur moi, mon face est rien de précis. Moi j'suis comme un, j'mets des mots sortes la nuit. J'supporte pas trop les manies. Vas-y, la mise, pose ton boule. Faut j'pense à autre chose, j'perds la boule. En fumette que j'gamberge, là c'est tout, j'pense qu'à faire des sous. Vas-y, la mise, pose ton boule. Le temps passe, tout le monde veut être en place. Évite les tasses, car c'est vite qu'on te remplace. Oh là là, oh là là là là. Oh là là, oh là là là. Le temps passe, tout le monde veut être en place. Évite les tasses, car c'est vite qu'on te remplace. Oh là là, oh là.